Naufrage est dans mon coin, comme un presque rien, solitaire. Lancé à pleine vitesse, un soir de détresse, mon cœur se serre.